Le restaurant Midas de Saint-Félicien fête son 50e anniversaire et pour le mois de mai, on vous offre 3 morceaux de poulet frit avec sauce, frites, salade de choux, pain et Coca-Cola pour seulement $7.50 plus taxes. Du poulet frit à ce prix-là, on serait fou de s'en passer. Livraison 418-679-0900. Le restaurant Midas fête ses 50 ans au 1084 route 169 Saint-Félicien. Venez fêter avec nous en profitant de ce rabais du mois de mai sur le poulet frit. 3 morceaux, 7,50 plus taxes. Le patinage de vitesse sur courte piste se remet tranquillement de la bombe qui est survenue vendredi alors que Samuel Girard et Cassandra Bodette ont annoncé leur retraite. Pour des raisons évidemment qu'ils veulent avoir plus de temps pour eux, ils veulent pas être considérés comme des robots et faire leur vie. Et une personne qui doit certainement comprendre ce qu'ils ont dit, le message qui a été lancé, c'est Marianne Saint-Jean qui a pris sa retraite depuis l'an dernier. Donc elle doit comprendre ça. On lui parle. Salut Marianne. Salut. Marianne, effectivement, comment t'as réagi quand t'as appris ça? Ben, comment j'ai réagi? C'est sûr que ça fait toujours un petit pincement au cœur, savoir que, bon, dans le cas de Sam, c'est sûr que j'ai eu un petit pincement au cœur, sachant que, bon, le petit a 22 ans, puis tu dis, oh mon Dieu, j'espère que c'est pas un coup de tête, tu sais. Après l'avoir entendu, après l'avoir vu live à la conférence de presse, après avoir lu qu'est-ce qu'il avait écrit, je le trouve super sage, puis je trouve que c'est une très belle décision. Il a raison de dire que ça se peut que, dans le fond, après un jeu dans l'Olympique, après avoir accompli ce qu'il a accompli, ça soit suffisant. C'est pas tout le monde qui a les aspirations de pousser puis de choses grandioses. Puis c'est correct de le dire, de le souligner, puis en même temps de l'accepter. T'sais. OK. Mais quand il dit que actuellement que lui, il veut du temps pour sa famille, il veut avoir du temps pour vivre, toi, là, tu dois très bien le comprendre parce que quelque part, ça fait depuis. Tu as déménagé à Montréal à 16 ans. C'est depuis 16 ans que tu t'entraînais fort, que tu suivais le programme de l'équipe Canada. Là, maintenant, tu as pris. Ça fait un an que tu es arrêté. Quelque part, s'il y a une personne qui doit comprendre, c'est bien Marianne Saint-Gelin. Ben, je pense qu'on est plusieurs à comprendre. Ouais. Je sais pas, la femme qui s'est exilée de sa région pour aller patiner puis vivre le rêve, tu sais. Mais c'est. J'insiste sur le fait que, tu sais, c'est un choix qu'on a fait, tu sais. Ouais. C'est certain que ça vient avec des choses qui sont moins évidentes. Moi, je les ai jamais vues comme des sacrifices, mais c'est quand, justement, ça devient lourd, ces choses-là, que c'est un signal. Je pense que ce que le signal que Sam a eu, c'est un peu ce que j'ai eu dans les dernières années. J'en avais marre de penser à moi. J'en avais marre que ça tourne toujours autour de moi, que Marianne, dans le fond, elle voit jamais sa famille, qu'elle puisse pas fêter la fête des mères, ce qui paraît banal aux yeux de la société, mais quand t'es enfermé dans un aréna 2 fois par jour, 6 jours semaine, ben, c'est pas si banal que ça, rater la fête des mères pendant 12 ans, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est des choses comme ça qui nous rattrapent, puis je pense que c'est quand, justement, tu les vois, puis que tu te dis, mon Dieu, j'aimerais mieux être ailleurs qu'ici. Ben c'est un signal qui te dit que peut-être que tu es prêt à passer à autre chose. OK, mais si on parlait un peu vraiment là de l'exigence, c'est très exigeant hein, de passer d'un athlète, de performer à être au niveau canadien et ainsi de suite, puis performer sur la scène mondiale, c'est pas du tout la même préparation. Il y a un step qu'il faut que tu changes vraiment là. Tu passes à un autre niveau de préparation. Là. Ben on n'a pas le choix, tu sais. Puis en même temps, on sait dans quoi on s'embarque là, tu sais. Ça se fait progressivement ces choses-là, sachant aussi qu'on vient d'une région, qu'on a peu de volume d'entraînement, tu sais, les choses se font pas non plus. C'est pas la déchéance totale là. On est très bien suivi, puis ça se fait de belles manières. Mais oui, c'est exigeant. Puis justement, tu sais, on est tous faits d'une façon différente. On répond tous d'une façon différente aussi à un programme d'entraînement, à ces exigences-là. Ça fait que oui, il y a des cas particuliers, comme celui de Samuel, comme celui de Marie-Ève il y a plusieurs années, comme celui de Kalina aussi qui avait arrêté à 24 ans. C'est des cas particuliers comme ça qui font que on a de très beaux talents qui ont donné beaucoup au sport et qui se retirent humblement. Puis on doit accepter. OK. Est-ce que, je vais poser la question que j'ai posée à Cassandra, est-ce que puis je l'ai posé à Robert Dubois, une entrevue que je vais diffuser demain, hein. Est-ce qu'il y a un moyen de performer et d'être moins rigide? Ben, j'imagine. Moi, ce système-là, je le connais pas, parce que c'est pas là-dedans qu'on a été, qu'on a été plongé. Est-ce que ça fait une différence? de rester par exemple 2 jours de plus aux fêtes, moi je pense pas. Quand l'entraînement est fait, quand le bagage est là, c'est pas 2 jours à l'extérieur qui te fait perdre, je veux dire, tout ce que t'as acquis là, tu sais. Puis en même temps, on a les facilités. On a les institutions pour s'entraîner en région. Tu sais, on parle beaucoup du Lac-Saint-Jean, mais tu sais, je me dis, c'est pas ça qui fait la différence. Par contre, c'est sûr que moi, je vois aussi un peu de l'autre côté. Puis ce que je me dis, c'est qu'à un moment donné, c'est un terrain glissant, tu sais. Fait que si on accepte ça, ben jusqu'où on va aller, tu sais. L'idée de la centralisation n'est pas une mauvaise idée dans le sens qu'on veut avoir les meilleurs ensemble. Par contre, il faudrait peut-être justement autoriser la même chose à tout le monde, tu sais. Parce que moi, je pense à Courtney Sarrow qui vient du Nouveau-Brunswick. Ben là, il va falloir qu'on lui donne aussi la permission d'y aller. Donc, il faudrait peut-être le faire, mais je sais pas, certaines périodes dans l'année où justement tout le monde est invité à retourner à la maison puis à s'entraîner. C'est sûr qu'il y a des possibilités, mais en même temps, je pense pas que c'est si évident que ça à construire. Mais oui, on aura avantage peut-être à peut-être plus se plonger puis à y réfléchir parce que si c'est ce qui met fin à certaines carrières, ben je pense qu'on a du travail à faire. Parce que ça fait mal, là, soyons honnêtes. Puis je sais que Robert Dubreuil m'a dit hier que la réflexion est déjà engagée auprès de patinage de Vitesse Canada. Parce que, tu sais, Cassandra, sans y manquer de respect, c'est quand même pas la... C'était pas la grande vedette de mes Samuel. C'était sur elle, c'était sur lui qu'on se fiait sur l'équipe canadienne pour remplacer Charles Hamelin. Là, tu te ramasses Grosjean comme devant. Ça va certainement... Il va y avoir une grosse réflexion qui va être mise, si c'est possible. Ben clairement, puis... encore là, c'est aussi ça qui arrive, c'est que Samuel n'a jamais eu, en tout cas je ne veux pas parler pour lui, mais j'ai l'impression que Samuel n'a jamais eu les aspirations de Charles. Fait, c'est ça aussi, c'est qu'on lui a donné quelque chose, on lui a placé quelque chose sur la tête, on lui a donné un titre, mais on n'a jamais vraiment pris le temps de savoir c'était quoi ce qu'il voulait Samuel. Puis j'ai l'impression que si on avait posé la question il y a peut-être 4 ans, il y a peut-être, ben peut-être que la réponse aurait été la même chose qu'en ce moment. Fait que c'est pour prendre une décision aussi grande comme ça, parce que je veux dire, je pense pas que c'est une décision prise à la légère, là, mais pour prendre une décision aussi grande que ça, je pense que c'était très, très intrinsèque à l'intérieur de Samuel, là, parce que sinon, tu ne prends pas ce genre de décision-là à 22 ans. Donc, c'est quelque chose qui devait vraiment le titiller au quotidien. Oui, dans la dernière année qui a été difficile, là, j'entends, mais moi, je pense que c'est là depuis un petit moment, là, parce que... Ça se prend pas comme ça, une décision comme ça. Là. Effectivement. Puis tu vois quand même que le gars a 22 ans et il est mature. Là. J'ai hâte de voir si ça peut changer. C'est ce que par après, que Patinage de Vitesse Canada peut peut-être faire une offensive, peut-être pour essayer de. Je sais pas. On va laisser l'avenir qui va nous dire. Marianne, à part ça, tu fais quoi tes journées? Tu fais quoi de ta vie? Pendant la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était aux fêtes. La TV, c'était pas. C'était, on s'en allait vers ça. Là, il se passe quoi? Ben, il se passe qu'on est encore dans les mêmes bottines. Dans le sens que, tu sais, c'est un monde qui est vaste, c'est un monde qu'il faut prendre son temps. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui veut se péter la gueule, en parenthèse, dans ce monde-là. J'ai envie de faire ma place. Je pense que j'ai ma place, mais je veux le faire correctement, tu sais. Fait que autant la télé que la radio, c'est des trucs que j'ai essayé, des trucs où on me donne des chances, des possibilités. Je les saisis, puis je fonce, puis je vais chercher de l'expérience. J'accumule les contrats aussi un petit peu. Fait que ça me fait vraiment voir un peu de tout. Des contrats de conférence, Marianne? Pardon? C'est des contrats de conférence, c'est quoi? Ben c'est des contrats télé, c'est des contrats, oui, je fais de la conférence aussi, mais c'est des contrats aussi... je veux dire en agence, dans le sens que tu sais, des fois je peux faire de la représentation de certains trucs aussi. Fait que tu sais, je touche à, tu sais, je dis que je touche à tout, mais il y a un astérisque dans le sens que je touche à tout ce qui me passionne et ce que j'aime. Fait que c'est pas vrai que je suis pitchée partout, puis c'est pas vrai que je fais tout. Fait que c'est pour ça que oui, j'ai des semaines qui sont un peu moins chargées, mais moi je veux rester là-dedans. Je veux rester dans ce que j'aime, dans ce qui me passionne, puis c'est comme ça que je vais me construire. Fait que ça sera peut-être un peu plus long, mais c'est la voie que j'ai décidé de prendre, puis je suis très confortable avec ça. Ouais. Analyse, parce que ça, c'est très occasionnel, là. Par exemple, analyse à la télévision pour RDS, parce que là, le patient de vitesse est rendu à la télévision, je t'en avais parlé, tu m'avais dit ça m'intéresse, ça, c'est-tu une affaire que tu as explorée encore davantage, puisque les Olympiques, tu sais, mais je te vois à la télé, là. J'ai eu la chance de faire les Jeux du Québec cette année, Puis j'ai vraiment aimé ça. Ah oui, on s'entend, là, c'est un formule de course qui est différent, mais j'ai vraiment aimé le commenter. Fait que c'est certain que si on m'approche pour le faire pour mon sport au prochain jeu, connaissant encore très bien les filles qui sont là, les garçons, le staff, tu sais, je veux dire, c'est encore ma famille, le patin, fait que c'est certain. Puis même les filles internationales aussi, là, je les connais encore, ça risque d'être pas mal les mêmes visages. Fait que oui, ça serait super intéressant, ça serait une belle opportunité, tu sais. Mais comme tu dis, encore là, c'est aux 4 ans. Fait qu'on peut pas se fier là-dessus. Non. Mais c'est certain que je refuserais pas une belle occasion comme ça. À part ça, Marianne, Robin va bien? Robin va très bien. C'est pour les gens qui n'ont pas lu l'article, c'est le chien qui s'est... Marianne a adopté un chien il y a à peu près 5 mois, c'est ça? Oui, je l'ai depuis le mois de novembre. Donc, ça donne quoi? Ça donne 6 mois. Ça fait un petit peu plus que... Ouais, peut-être un petit peu plus que 6 mois, mais c'est ça. Fait que Robin, oui, il va bien. Il m'a fait un... Pourquoi Robin? Robin, ça fait c'est pas un autre chien du tout. Pourquoi Robin? Mais Robin, parce que mon nom a été pris dans le film Robin des Bois, Marianne. Okay. Donc, c'est comme un peu mon prince charmant, tu sais. OK. Voilà, c'est mon homme. C'est mon homme du moment. C'est l'homme de la maison. Ah, ben c'est bien correct. C'est bien correct. Ben, Marianne, tu fais des bonjours à Robin. Puis au plaisir de se reparler. Mais t'es bien fin d'année. Voilà, Marianne Saint-Gelais qui nous parlait de passer la vitesse sur Côte-à-Pitre.